Jean Ollier, Pensée choisie. Troisième partie, culte des anges et des saints. Texte inédit publié par Georges Le Tourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916, markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Pour les besoins de la synthèse vocale, le latin est traduit. Chapitre 1er. Sur les saints anges. Les hiérarchies des anges, expression des perfections divines. Dieu est un point indivisible et immense, demeurant renfermé en lui-même, il explique de toute éternité, dans son Verbe, tout ce qu'il est. Car ce Verbe, étant infini comme son principe, a capacité pour le recevoir et le représenter tout entier. C'est pour cela qu'il est unique. Mais quand l'être infini veut s'expliquer au dehors, il ne se communique qu'en créant des êtres finis qui ne peuvent participer à ses adorables perfections que dans une certaine limite. Sa première sortie et sa dilatation la plus pure se fait dans les anges, dont l'ensemble représente sa grandeur immense. Chacun en particulier marque quelques degrés de cet être infini, et lui est spécialement consacré. Dans les uns on voit sa force, dans d'autres son amour, dans d'autres sa fermeté. Chacun est la reproduction d'une beauté de l'original divin, chacun l'adore et le loue dans la perfection dont il est l'image. Première hiérarchie. Ainsi les idées éternelles de Dieu, ses vues sublimes, sa connaissance de lui-même sont exprimées par les chérubins. Ses esprits glorieux sont autant de tableaux partiels de la contemplation unique, par laquelle l'être souverain se connaît lui-même et connaît toutes choses. Sa divine majesté se dilate en eux, pour être connue et aimée des créatures. Dieu, lumière essentielle, et non moins essentiellement amour. Les séraphins expriment cet amour sans limite, cet amour fécond qui, déjà transmis du Père au Fils avec l'essence divine, émane de l'un et de l'autre par nécessité dans le Saint-Esprit. Cet amour infini est représenté par la multitude et la diversité des degrés d'amour des séraphins. Tous ne sont qu'un amour immense, portrait bien imparfait de la source infinie d'amour. Dieu amour s'est épanché et exprimé dans ses esprits de feu. Parce que Dieu prend son repos et trouve sa béatitude dans sa lumière et dans son amour, il crée, pour être l'image de cet état bienheureux, un troisième ordre, l'ordre divin des trônes, destiné à manifester ce repos et cette béatitude, état de ravissement continuel, dont Dieu ne sort pas, se connaissant et s'aimant toujours infiniment lui-même. Et ainsi l'être, la majesté et la béatitude dont Dieu jouit de toute éternité, se trouve exprimé par ces trois ordres d'anges qui composent la première hiérarchie. Deuxième hiérarchie. Après avoir créé ses esprits occupés à l'adorer en lui-même, Dieu a voulu en créer d'autres pour manifester ce qu'il est envers ses œuvres, et dont la destination fut de l'exprimer, sortant hors de lui-même et se communiquant aux créatures. Or comme Dieu, en tirant les êtres du néant, en devient le Seigneur et le Souverain Maître, et acquiert sur eux une autorité qu'il n'exerçait pas dans l'éternité, il donne à révérer ce domaine absolu au premier ordre des anges destiné à honorer ses opérations extérieures. Cet ordre est celui des dominations. Dieu paraît dans ses esprits sublimes, en la plénitude de son autorité. Il se montre en eux capable de produire mille et mille mondes et de les détruire, et il oblige les plus grands et les plus saints personnages de l'ancienne loi à se prosterner devant eux, comme devant les dépositaires de son domaine et de sa souveraine autorité. Le maître absolu des créatures, qui leur donne l'être et les détruit quand il lui plaît, en est aussi le roi. Il daigne s'abaisser jusqu'à leur faire connaître ses volontés, à leur donner des lois et à obtenir d'elles, comme de sujets fidèles, l'obéissance à ses commandements. Il exprime cette auguste qualité dans les principautés. Il applique ses esprits à révérer sa royauté, il se fait adorer par eux comme la source de toute puissance. Il les remplit de son zèle pour la conservation de sa gloire, pour le gouvernement de son empire et pour la punition des rois du siècle, qui le méprisent par le mauvais usage de leur dignité. Les puissances paraissent ensuite dans le tableau des grandeurs de Dieu, pour exprimer sa force, son énergie, sa vigueur. Ce n'est pas assez à un roi de donner des lois à ses sujets, il lui faut le pouvoir de réduire les rebelles. De là vient que les anges destinés à représenter la majesté divine en toute son étendue, doivent exprimer sa puissance, aussi bien que son domaine et sa royauté. Les esprits qui expriment cet attribut de Dieu peuvent tout, ils font trembler l'enfer. Dieu s'en est servi pour chasser du paradis les esprits rebelles. Quand, au jour du jugement, il fera paraître sa vertu contre ses ennemis et ses sujets révoltés, le sceau de Dieu en main, ses anges fermeront les portes de l'abîme, écrasant tous les réprouvés sous la pesanteur de la justice divine. Outre la force de Dieu et sa vigueur, cet ordre représente sa puissance universelle qui renferme en soi toutes les puissances de la nature. Il est l'expression de cet océan immense de la divinité qui, étant la source de tout être, contient en son sein toutes les créatures existantes, futures ou simplement possibles. Troisième hiérarchie. Au-dessous de ces deux hiérarchies, il en est une troisième, dont le premier ordre est l'ordre des vertus. En Dieu, vertu et puissance sont une même chose, mais étant distinctes à notre égard, elles sont représentées par des anges de deux ordres différents, afin que nous ayons un tableau aussi complet que possible de la divine majesté. Les vertus agissent sur nous d'une façon merveilleuse, et dans l'ordre de la nature et dans celui de la grâce. L'activité de ces esprits célestes ne saurait être comprise, ils sont les ministres des dons, des influences et des bénédictions que Dieu verse sur nous. Ils lui sont appliqués comme au principe de la grâce, de la sainteté et de la vie divine répandue dans l'Église. Il ne cesse de l'adorer et de le remercier pour tous les dons qui émanent de lui. Il lui demande qu'on en fasse un saint usage. Il travaille avec un empressement continuel, pour disposer les âmes à les recevoir dignement et à s'en servir dans les desseins de Dieu. Il assiste incessamment les personnes apostoliques, pour leur faire porter dans les cœurs l'Esprit de Dieu et ses vertus. Quelle variété, quelle multitude de dons répand dans l'Église ce nombre infini de canaux, dont se sert la bonté divine pour verser ses miséricordes. Si chaque étoile du firmament communique à la terre ses influences, pourquoi ces esprits célestes, bien plus remplis de Dieu que ces astres grossiers, ne seraient-ils pas en épanchement continuel? Soyons leurs imitateurs. Avec eux admirons la beauté, adorons la sagesse, louons la providence, aimons surtout la bonté d'un Dieu qui, par amour pour nous, nous communique toutes choses. Les archanges forment le deuxième ordre de la troisième hiérarchie. Donnés de Dieu aux prélats, ils les conduisent et les dirigent en l'accomplissement de tous leurs devoirs. Les princes de l'Église ont besoin, dans leur charge, d'une intelligence parfaite, et d'une force extraordinaire pour se défendre contre les ennemis de Jésus-Christ. Ces ennemis n'ignorent pas que les perdre, c'est ruiner la piété des fidèles. Enfin, le dernier ordre de ces esprits bienheureux est composé des anges députés pour veiller sur les besoins et sur le salut des âmes, et pour les conduire, tant dans les voies intérieures que dans les voies extérieures de la vie. Ils veillent sur nous, ils écartent les obstacles qui s'opposent à notre avancement. Étant, par leur création, les images et les adorateurs de quelque attribut de Dieu, auquel ils sont consacrés, ils font paraître cette perfection dans les âmes dont ils sont les protecteurs, s'ils trouvent des cœurs dociles à leurs inspirations. Oh, que, cette multitude innombrable d'esprits est admirable, que l'harmonie qui se rencontre au milieu de tant d'ordres différents est ravissante. Que, ce monde du ciel est digne de nos hommages, puisqu'il fait voir notre Dieu si beau, si parfait, si aimable. Les anges sont des miroirs éclatants, de purs cristaux, de brillantes glaces qui représentent les traits et les perfections de ce tout infini. Ô admirable concorde, charité incompréhensible, ô ineffable sagesse de Dieu, qui tient tant de millions et de millions d'êtres, tous différents dans leurs espèces, si unis ensemble par le bien parfait de la charité. La vie divine renfermée en eux les consomme et les applique toutes à Dieu, sans retour et sans réflexion sur leur propre personne. Elle fait que tout sort d'eux-mêmes sont absorbés et perdus en lui. Il n'y a rien qui les divise, rien qui les retarde. Ils obéissent et opèrent en Dieu seul. C'est lui qui, dans leurs frères, leur parle, leur signifie sa volonté et leur donne le mouvement de faire toutes choses. Les anges remplis de l'Esprit de Jésus-Christ. Me disposant à la Sainte Messe, une lumière de foi remplit mon âme, elle me tenait avec Jésus-Christ au milieu de tous les saints anges, par lui j'entrais en leur état, je n'étais, comme eux, que louange, amour, adoration, je voyais leur joie de communier à Jésus-Christ et à son esprit de religion envers Dieu. Il n'était en ses dispositions qu'en lui et par lui, et j'entendais très nettement ses paroles, « Par lui les anges louent votre majesté, les dominations vous adorent, les puissances se prosternent en tremblant. » Confère, le grand paroissien latin préface propre, commune dont le carême. Il me semblait que ces esprits célestes, en leur multitude, exprimaient les divers caractères de la religion de Jésus-Christ. Ainsi, les louanges de notre Seigneur passaient vers les anges, ses adorations vers les dominations, sa révérence si respectueuse vers les puissances. Tout le corps des esprits célestes exprimait sa religion en entier. Ensuite de cette vue, je me trouvais étendu en eux, louant, adorant, révérant Jésus-Christ la même majesté. Ainsi Jésus-Christ était la louange universelle de Dieu, dans l'Église du ciel et dans celle de la terre. Unique tout, vivez en nous en la plénitude de votre vertu, en la perfection de vos voies, en la sainteté de votre esprit. S'unir aux anges qui sont la louange de Dieu. Dieu inaccessible en sa lumière, impénétrable en sa splendeur, se découvre et se dilate dans ses anges et se laisse admirer et adorer en eux. C'est comme un roi qui ouvre sa robe ou son manteau pour se laisser voir et contempler à plaisir. Ces anges sont encore des orques qui tous ensemble sont la sainte musique de Dieu qui selon leur état, leur grandeur, rendent plus ou moins d'honneur et de louange à Dieu. Chacun en rend selon ce qu'il est dans la mesure de son être et chacun toutefois en toute la plénitude de son être, en sorte que tout ce qu'il est employé aux louanges de Dieu. Chacun est content en sa mesure et sa condition, à cause qu'il sert à louer Dieu et à le glorifier comme il le veut et comme sa gloire le demande, et parce qu'ils sont tous à Dieu, tous pour Dieu, tous en Dieu. Ils sont tous appliqués à lui et en lui comme il le veut. Ils sont plus à lui et en lui qu'à eux et qu'en eux-mêmes. Il ne leur reste rien d'eux-mêmes tant ils sont en Dieu. Ils sont à lui comme il lui plaît. Ils sont contents par le contentement de Dieu même qui s'applique comme il lui plaît, ses anges. C'est une admirable harmonie et une agréable louange que celle que nous nous rendons à nous-mêmes et que nous nous procurons par les choses qui nous aiment comme nous-mêmes et sont à nous et en nous-mêmes. Oh la douce harmonie et l'agréable concert, et pour cela nous invitons les anges avec nous en nos saints sacrifices et nos prières pour nous joindre et nous unir à eux. Pour cela même on dit le Gloria in Excelsis, et l'on y joue des orgues pour s'unir à l'harmonie du ciel et entrer en société avec eux des louanges qu'ils rendent à Dieu. Ainsi nous chantons les Kyrie avec les orgues pour demander, avec les anges, pardon à Dieu de nos péchés. Pour cela, nous disons 9 fois le Kyrie afin de nous joindre aux 9 chœurs angéliqués. Pour cela encore, nous chantons avec les orgues le Sanctus qui est l'hymne du ciel que les anges, selon les prophètes, chantent incessamment et auquel on s'est joint à la préface, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, office de la quinzaine de Pâques. S'unir aux anges pour adorer Dieu en Jésus-Christ. Quelle beauté dans ces anges qui expliquent les vastes étendues des puissances de Dieu et de ses adorables perfections. Oh, que Dieu est grand en lui-même, s'il est si magnifique et si admirable dans ses créatures. Ô beauté, que je vous adore à jamais. Qu'il est doux, ô mon tout, de le faire dans votre éternité. Que les substances de vos anges sont ravissantes. Qu'à jamais je vous vois et vous glorifie en eux. Vous êtes trop beau pour moi, vous êtes trop éclatant pour mes yeux, vous êtes trop élevé pour ma bassesse. Soyez loués seulement par votre Fils, c'est en lui et par lui que vos anges vous adorent. Ils frémissent et tremblent devant vous, ils n'osent paraître, ils cachent leurs yeux et voilent leur face à votre aspect, ils se reconnaissent indignes de paraître et de se prosterner devant votre majesté. Ils empruntent de Jésus-Christ leur respect et leurs adorations, et en lui ils vous rendent ce qu'ils vous doivent. Soyez donc loués et adorés à jamais par tous ces esprits célestes, qu'à jamais tous les gardiens des cieux, toutes ces vertus puissantes qui les meuvent, supplient, en Jésus-Christ, à nos louanges, qu'ils vous remercient pour les bienfaits que nous recevons de votre bonté, soit dans la nature, soit dans la grâce. Les anges gardiens. Vous adorez en esprit de foi la conduite de Dieu qui envoie ses anges sur la terre pour des raisons très augustes en sa sagesse, quoique nous en connaissions fort peu de choses. Le premier sujet qu'il a porté à nous donner des anges, a été pour figurer la descente de Jésus-Christ sur la terre et pour préparer les hommes à sa venue. Comme il conduit toujours ses œuvres avec des convenances admirables, il a voulu qu'un si grand et si auguste mystère que celui d'un Dieu en terre, fût figuré par quelque chose de moindre, et que les anges descendissent du ciel pour vivre en société avec nous, afin de préparer nos cœurs à la descente du Verbe, qui devait venir pour habiter en nous. Dieu avait préparé le monde à la venue du Verbe par la loi, qui y servait de disposition, quoique très faible, parce qu'elle ne contenait que des éléments morts et sans vertu, mais les anges sont des aides, invisibles à la vérité, mais vivants, animés et puissants pour le salut. En quoi nous nous a admiré la sagesse de Dieu et sa charité envers nous, de nous donner de tels secours, et de tels aides pour connaître son Fils. Saint Jean-Baptiste fut appelé l'ange des Juifs parce qu'il les préparait à recevoir Jésus-Christ, mais ce que Dieu fait dans l'Église pour les chrétiens est bien plus grand et plus considérable, car il ne leur envoie pas seulement un Saint Jean pour eux tous, mais il leur donne à chacun un ange, qui les éclaire, qui les vivifie, qui, pour le dire ainsi, les baptise, non en l'eau, mais en l'esprit, par des opérations divines, et qui en même temps les met en participation de sa religion envers Dieu. Le second sujet qui a porté Dieu à nous donner des anges est ce que nous lui sommes, car nous sommes ses enfants, les membres et les portions de son Fils, et les temples de son Esprit. Or, parce que nous sommes ses enfants, il nous donne pour gouverneurs les princes de sa cour, qui se tiennent même bien honorés de cette charge, à cause que nous avons l'honneur de lui appartenir de si près. Parce que nous sommes ses membres, il veut que ces mêmes esprits qui le servent soient toujours auprès de nous pour nous rendre 1000 bons offices. Et parce que nous sommes ses temples, et que lui-même habite en nous, il veut que nous ayons des anges qui soient remplis de religion envers lui, comme ils sont en nos églises, il veut que là ils soient en hommage perpétuel envers sa grandeur, suppléant à ce que nous sommes obligés de faire, et gémissant souvent pour les irrévérences que nous commettons contre lui. Le troisième sujet pour lequel Dieu nous a donné des anges est pour faire une étroite union entre l'Église du ciel et celle de la terre. Il a uni dans le ciel les cœurs des anges et de toutes les hiérarchies célestes, et sur la terre, ayant composé un corps à part, qui est l'Église, il veut le lier avec le premier et l'invisible, qui est celui de ses esprits célestes. C'est pourquoi il fait descendre en terre ce corps mystérieux des anges, qui, s'unissant à nous, et nous liant à eux, nous met ainsi dans leur ordre, pour ne faire qu'un corps de l'Église du ciel et de celle de la terre. C'est ce qui nous oblige de vivre en conversation et en société perpétuelle avec les anges et avec les saints. N'est-ce pas une grande grâce d'entrer ainsi en commerce, en communication et en société avec cet admirable corps? Quelle imitation de religion, d'amour, de séparation et de dégagement de toutes choses ne devons-nous point avoir, voyant dans les anges et dans les saints tant d'application à Dieu, tant de force, tant d'amour et tant de dégagement des créatures? Mais quelle reconnaissance ne leur devons-nous point aussi pour tous les bons offices qu'ils nous rendent à toute heure? Invoquer les anges dans les tentations, dans les conversations. Nous devons être fidèles à invoquer les trônes, lorsque le démon glisse dans nos cœurs le poison de la superbe, et qu'il veut nous tirer de la connaissance de notre néant et de notre péché. Il faut invoquer beaucoup sur nous les saints anges, principalement lorsque les vapeurs diaboliques embrouillent notre esprit et nous tirent de la paix où Dieu nous tenait. Il est très à propos, en ce temps, de nous jeter entre les bras de ceux que la providence de Dieu nous a donnés pour gardiens. Il faut les conjurer d'enchaîner ces esprits trompeurs, puisque nous ne saurions leur résister sans le secours d'en haut. En un mot, il faut, dans tous nos besoins, aller à eux en confiance, et attendre de Jésus-Christ, par leur ministère, le secours que notre faiblesse nous doit faire regarder comme absolument nécessaire. Quand je devais prêcher ou converser avec quelques personnes, je conférais avec leurs anges, et ils me promettaient leur protection. Ils s'engageaient à préparer les cœurs à la sainte parole de Dieu, et à les défendre contre les assauts des démons qui la dispersent.